107.0 RGM Radio Gemozo, ta radio locale préférée. Il est midi, l'heure de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Gemozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Je suis actuellement au téléphone avec Gabriel qui travaille à l'office de tourisme de Bruyères. Bonjour, comment ça va ? Bonjour Laura, ça va très bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Oui, je m'appelle Gabriel, je travaille à l'office de tourisme, comme vous le disiez, à l'office de tourisme de Bruyères-Vallon-des-Vosges plus précisément. Ça fait un an maintenant que je travaille là-bas et j'ai une charge particulière. Comme beaucoup, je suis conseiller en séjour, c'est-à-dire que je suis chargé de l'accueil des touristes et puis aussi des locaux à l'intérieur de l'office de tourisme, mais j'ai une mission plus particulière parce que je suis chargé du réseau socio-professionnel. Donc je m'occupe de gérer les partenariats, je m'occupe de gérer la relation avec les hébergeurs, les restaurateurs, et quand je dis les hébergeurs, ça va vraiment des hôteliers au meublé de tourisme, à la personne qui souhaite ouvrir sa maison ou son appartement à la location saisonnière. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'office de tourisme de Bruyères ? Oui, c'est un office de tourisme qui gère tout un territoire. Au total, on compte 34 communes. C'est un office, du coup, qui doit faire de la promotion touristique au sein de nos territoires. Donc, nous, on référence notamment tous les événements. On est un office aussi, c'est un petit office, mais c'est un office qui est assez important du point de vue du territoire, puisque on référence, en fait, tout ce qui est possible de faire. Et le but, c'est d'en faire découvrir soit aux locaux, soit aux touristes, soit les différents patrimoines, soit les différentes animations, puis de les promouvoir un petit peu et d'en faire l'animation. On organise aussi des événements, on peut aussi participer et être co-organisateur d'autres événements, comme par exemple cet été le Tambouille. Et puis, voilà, le but vraiment de notre office, c'est de faire connaître notre territoire. Vous disiez que vous travaillez avec 34 communes, c'est quoi du coup ? Alors, c'est le même territoire que notre communauté de communes qui porte le même nom, Bruyères-Vallon-des-Vosges. Donc, le centre, bien sûr, qui est installé à Bruyères, là où vous retrouvez la communauté de communes et l'office de tourisme. Mais au total, on a un territoire qui s'étend, au sud-ouest, à Chenimesnil, au sud, on va dire au nord, c'est toute la zone Fremy-Fontaine, Belmont, Vervezelle, Brouvelieure. Donc, c'est un territoire qui est assez grand et on part un petit peu aussi du côté de Gercourt-sur-Dubillon, sur Gugnécourt. Donc, c'est un territoire qui est, c'est pas le plus grand territoire des Vosges, mais c'est déjà un petit territoire avec beaucoup de communes installées à l'intérieur. Et c'est quoi un office de tourisme ? Alors, les offices de tourisme, ce sont vraiment des lieux d'accueil, pour les locaux et les touristes. Le but, c'est vraiment de faire la promotion d'un territoire en particulier et de manière touristique, bien sûr. Donc, c'est souvent une destination où vous pouvez venir et où trouver des renseignements aussi sur tout un territoire. C'est vraiment très, très large. Ça peut être des renseignements sur l'animation, ça peut être des renseignements, par exemple, sur les différents commerces, des infos sur la ville, des infos un petit peu plus touristiques. Et on est le relais de tout ce que vous pouvez trouver sur un territoire, vraiment. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, que votre site internet est une sorte de répertoire d'activités pour les touristes qui ne savent pas quoi faire ni où aller quand ils viennent dans les Vosges ? Bien sûr, l'idée, c'est de donner envie de venir chez nous. Et donc, on référence vraiment tout ce qui est intéressant du point de vue de la visite, par exemple. Donc, ça peut être une mine d'information si vous souhaitez découvrir du patrimoine en particulier ou si vous êtes plutôt sensible à tout ce qui est nature. On va plutôt viser des randonnées. Et donc là, vous retrouvez tous nos randonnées que l'office de tourisme propose sur le site internet. Et puis, les petits commerces, ça peut être aussi intéressant, les restaurants. Donc oui, c'est une petite mine d'information que le site internet, qui va d'ailleurs être fait pour 2024. Nous aurons un site flambant neuf. J'imagine que pour travailler à l'office de tourisme, il faut parler plusieurs langues étrangères ? Oui, effectivement, l'anglais est obligatoire, allons nous dire. Après, c'est vrai qu'il est l'allemand est conseillé, puisque nous sommes dans une région frontalière où on a beaucoup de tourisme, de tourisme allemand, mais de tourisme néerlandais aussi. Donc, la langue néerlandaise est assez prisée. Alors, il est vrai aussi que les néerlandais parlent très bien anglais et souvent peuvent parler allemand. Donc si vous parlez d'une des deux langues, les touristes néerlandais n'ont pas de problème pour parler avec vous. Mais l'anglais reste obligatoire de toute manière, oui. Et de quel pays viennent le plus les touristes qui viennent dans les Vosges ? Alors, en population étrangère, je parlerai beaucoup pour mon territoire, mais en population étrangère, ce sont surtout les Néerlandais qui viennent le plus. Par contre, si on reste au sein de la France, ce sont plutôt les Parisiens ou les personnes du Nord qui viennent beaucoup chez nous. Les Vosges sont très appréciées pour les sapins. Tout à fait. Pour les sapins, la nature, les cascades aussi fonctionnent très bien. Nous allons maintenant parler d'un événement un peu particulier, à savoir un escape game. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Tout à fait, c'est l'escape game L'Apéro. C'est en fait une glacière. Le concept, en fait, est de, non pas comme dans les escape games traditionnels, pouvoir sortir d'une pièce et se délivrer soi-même, mais de délivrer l'apéro qui est enfermé à l'intérieur d'une glacière. C'est un escape game qui est là toute l'année. Nous avons, c'est un partenariat que nous avons avec une autre entreprise. Nous avons jusque là le chapitre 1 et nous avons pris la suite, le chapitre 2, c'est-à-dire que même les personnes qui avaient joué au chapitre 1 peuvent revenir s'essayer à la suite. C'est un escape game qui est rempli de produits locaux à l'intérieur. Donc, comme son nom l'indique, tout tourne autour de l'apéro. Vous pouvez l'emprunter, comme c'est une glacière, et aller jouer en extérieur si bien sûr le temps est de votre côté, ou à l'intérieur de votre foyer, ou de votre location saisonnière si vous êtes un touriste. C'est un escape game qui est sur réservation, le tarif est à partir de 23 euros par personne, comme il n'y a qu'une glacière, il faut bien penser à venir réserver à l'office de tourisme, et ça se joue à partir de 2 joueurs et jusqu'à 6 joueurs. Et qui peut participer ? Est-ce que c'est les adultes, des ados ? Alors, le jeu est plutôt, de par son orientation, de son concept et son thème sur l'apéro, il est plutôt à destination des adultes. Bien sûr, des adolescents peuvent participer et des plus jeunes aussi. Je précise qu'il n'y a pas que de l'alcool à l'intérieur de cette mallette et les plus jeunes peuvent aussi déguster ce qui se trouve à l'intérieur. Et c'est quoi un escape game ? Je crois que ça veut dire jeu d'évasion, c'est ça, en anglais ? Tout à fait. Alors, le titre précis, effectivement, c'est pour bien sensibiliser au jeu. C'est-à-dire que le but, c'est soit de délivrer quelqu'un, soit de délivrer quelque chose. Donc, c'est le cas avec cet escape game où il faut délivrer le contenu de la glacière. Mais je dirais qu'on pourrait même jouer un petit peu sur les mots, sur la polyphonie, et dire que c'est aussi un moyen de se détendre, un moyen d'évasion, justement. Et il n'y a pas des énigmes à résoudre ou des choses comme ça, je crois ? Bien sûr, il y a beaucoup de jeux qui se trouvent à l'intérieur, on a beaucoup de casse-têtes, d'énigmes en tout genre. Ça peut être aussi des cartes à déchiffrer, des objets à retrouver, à remettre dans le bon sens. Et on a aussi beaucoup de jeux à aller reprendre sur Internet. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais l'escape game nécessite un portable qui puisse avoir une connexion Internet, puisqu'il y a des faux appels et des faux mails à passer de temps en temps, ou des fausses pages Internet à consulter. Et pour l'escape game chapitre 2, on peut participer jusque quand ? Alors pour l'instant, il sera disponible jusqu'en 2024, aucun problème, vous pourrez jouer toute l'année. Il est disponible depuis juin et certainement qu'il sera reconduit pour 2025. Et le chapitre 1 ? Alors le chapitre 1, pour l'instant, nous ne l'avons plus. Peut-être que nous le reprendrons à l'avenir, rien n'est encore décidé, il sera sur la demande. Et est-ce que c'est la première fois que vous organisez ces genres d'événements ? Alors, l'escape game, on l'avait déjà depuis plus d'un an, donc on va dire que ce n'est pas une nouveauté, l'escape game en soi n'est pas une nouveauté pour l'office de tourisme. Par contre, le chapitre 2 qui existe depuis juin chez nous est une nouveauté, oui. Et combien de temps est-ce qu'il vous a fallu pour mettre en place ce genre d'événement ? Alors, comme c'est en partenariat avec une entreprise qui produit l'escape game, nous, en fait, il nous a juste suffi de passer une commande et on adapte le jeu aux produits locaux. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, que vous fassiez l'escape game dans les Vosges, alors à l'heure actuelle, nous sommes les seuls à proposer cet escape game dans les Vosges, ou si vous partez dans une autre partie de France et que vous faites aussi cet escape game, les produits ne seront pas les mêmes. Donc, il est complètement adapté à notre office de tourisme et à notre région. Donc, la production n'a pas nécessité un grand temps de travail, juste savoir repérer les acteurs qui puissent nous fournir les différents produits touristiques, puisqu'on travaille avec des petites entreprises locales qui nous donnent accès à ces produits régionaux. Et quel genre de produits locaux est-ce qu'on pourrait retrouver, par exemple ? Alors, comme tout tourne autour de l'apéritif, on est vraiment sur des produits que vous allez retrouver en cas d'hors d'œuvre. C'est-à-dire, on peut retrouver des rillettes, on peut retrouver du saucisson, des chips fait maison, ça va-t-on dire. Et puis, vraiment, si on tourne aussi autour de tout ce qui est boisson, ça va être des vins locaux, de la bière locale, je précise, puisque c'est une bière qui est fabriquée à Bruyères. Et tout un tas de petites choses aussi, qui peuvent être aussi un petit peu de sucré, des petits bonbons qui sont... des petits pommons ou des petits gâteaux secs qui sont également produits dans les communes à côté. Et avec qui est-ce que vous collaborez pour cette manifestation ? Alors, on a notamment une épicerie qui se situe à Bruyères et qui s'appelle Des Vosges d'ailleurs, qui nous fournit pour la plupart des produits locaux. Et puis, pour le reste, en fait, on travaille aussi avec un brin de cueillette qui se situe à Faucompierre, qui nous fournit aussi quelques variétés de produits locaux qui sont un petit peu plus rares et un petit peu plus recherchés. Je pense notamment à deux pestos, en fait, qui sont à l'ail des ours, qu'on place à l'intérieur de ce jeu. L'ail des ours qui est un produit local, je crois. J'en ai vu en Savoie, mais ça n'a pas du tout le même goût. Non, tout à fait. Ça dépend d'effectivement là où il est cultivé et de comment il est traité ensuite, mis à la production et à la dégustation. Oui. C'est un produit qui est très particulier et qui est très fort en bouche, mais une fois qu'on aime ça, c'est vraiment très appréciable. Est-ce que vous avez prévu d'autres manifestations après celle-ci ? Oui, on en a une à l'heure actuelle qui va durer pour toutes les vacances de la Toussaint. C'est un autre escape game. Alors plus précisément, c'est un enquête game, si on veut être plus précis. Un enquête game éphémère, donc il sera là jusqu'à l'Office de Tourisme jusqu'au 4 novembre. Il s'appelle à l'école des sorciers. On joue sur le thème du fantastique pour les vacances de la Toussaint. Il s'exerce aussi de 2 à 6 joueurs. Il est à destination des familles ou des groupes d'amis. Bien sûr, même les plus jeunes peuvent jouer. Le but, c'est de partir dans Bruyères. Il y a un petit parcours qui est prévu dans la ville à la recherche de professeurs qui vous indique des petits jeux pour rechercher une fameuse pierre à la fin de cette enquête game. Il y a une mallette interactive et une sacoche qui vous permettent de jouer. Et quelle sera l'actualité de l'Office du Tourisme pour ces prochaines semaines et ces prochains mois ? Alors, on organise quelques manifestations, toujours pour les vacances de la Toussaint. Il y a notamment la visite de la Brasspot, qui est une micro-brasserie qui a ouvert ses portes à Bruyères il y a quelques mois. Donc, c'est tout récent. Donc, en partenariat avec eux, on propose des visites le vendredi 27 octobre et le vendredi 3 novembre. Ces deux créneaux sont à 11h. La visite dure entre 1h et 1h30. Il y a une petite dégustation à la fin, bien sûr. Le tarif est de 7€ par adulte et de 4€ pour les moins de 18 ans. C'est gratuit, bien sûr, pour les moins de 3 ans. C'est également sur réservation à l'Office de Tourisme. Est-ce que vous avez prévu des événements pour Noël, par exemple ? Alors, les événements pour Noël ne sont pas encore prévus. Il y a bien sûr un marché de Noël qui est en train d'être organisé, mais je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, puisque la manifestation n'est pas encore terminée. Et quels sont vos futurs projets avec l'Office de Tourisme de Bruyères ? Alors, comme je vous le disais, l'organisation d'un marché de Noël pour le mois de décembre. Et puis, on a récemment refait un circuit VTC qui s'appelle le circuit patrimoine. Vous retrouvez en fait sur ce circuit des points d'intérêt qui ont été placés via des panneaux où on a travaillé avec les mairies de Décimont pour pouvoir produire ces magnifiques panneaux qui fonctionnent avec des QR codes qui vous permettent d'écouter ou de lire vraiment un point d'intérêt soit patrimonial naturel ou plutôt culturel. C'est un parcours qui est kilométrage total de 24 km. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet et les réseaux sociaux ? Bien sûr, on a notre site Internet, c'est tourisme-bruyères.com. Vous pouvez aussi retrouver notre page Facebook, l'Office de Tourisme de Bruyères Vallon-Vénégauche. Et vous pouvez également nous contacter sur ces réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut vous contacter par téléphone ou par mail aussi ? Bien sûr, le numéro de téléphone c'est le 03 29 50 51 33 et pour notre mail c'est contact@tourisme-bruyères.com. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite à vous et à l'Office de Tourisme de Bruyères ? De pouvoir se développer un maximum et de faire connaître notre territoire qui est situé entre des plus gros territoires comme Épinal, Gérardmer ou Saint-Dié et de pouvoir toujours proposer des animations aux différentes vacances. Cette interview maintenant terminée, Gabriel, merci d'avoir été avec nous. Je vous remercie Laura pour l'interview. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que de nombreuses personnes participeront aux événements que vous organisez, à savoir qu'il y a un escape game qui se déroule depuis le 21 octobre et jusqu'au 4 novembre au 50 avenue du Cameroun à Bruyères. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, je vous souhaite une excellente journée. C'était Laura, bye tout le monde. Au revoir.